Cadillac Jack. Ouais, calé dans sa Cadillac, on roule comme des fous. Quatre pieds, on prend avec son beau joujou. Jack est jeté, les dés sont fêlés dans ma tête, ça commence à s'embrouiller. Jack et sa Cadillac dévorent l'asphalte. Nous comme des bêtes, on s'éclate. Les enceintes de la stéréo crachent. Des poupées enflammées, mais qui nous font rêver qu'on va les venger. Ouais, du compte règle auquel j'ai commencé à déjanter. Mais l'allumé continue d'appuyer. Pour lui la seconde file, c'est la seule vérité. Et pas question de se laisser gratter. Les nœuds crient sur la route. Appuie d'un contour dans son sac. Ouh, agrippé à son volant. Jack, il n'est plus tout à fait sur ce qu'il fait. Il est largué. Pour se repayer et recommencer.